Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 19, cours numéro 20. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد طيب نبدأ بتسويب تمرينات من الدرس الثامن عشر نكوريج دو إيرسيس دو ديجيتال ميسو كي تي لي كيستيون كي تروبوس تيكست أولا يقول أجيب عن أسئلتي الآتية ريبون كيستيون سويفونت ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق. Qu'est-ce que les enfants ou les fils veulent acheter du marché? Yuridu labna'u an yashtaru min as-souqi. Aqlaman wa dafatira wa masatira. Non. Thaniyan, madha turidu al-banatu an yakhudhna li Salma? Qu'est-ce que les filles veulent prendre pour Salma? Turidu al-banatu an yakhudhna li Salma. علبة الحولاء حلوى نعم والمجلة والكتابة والملابس نعم حسنت. ثانيا صحيح ما يلي كوريش شو كيسوي أمينة بنت حامد أمينة إلى في دو حامد أزغر لا أمينة بنت زوجتي لا ها ما هي بنت زوجته؟ هي زوجته. أمينة زوجة حامد. والدليل يكتب في البداية حامد entre parenthèses لزوجته أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ donc il parle à sa femme. طيب أمينة زوجته. طيب ثانيا تريد أمينة أن تزور أختها. أمينة veut visiter sa sœur. صحيح؟ تريد آمنة أن تزور جارتها نعم سوازين ثالثا قال حامد لزوجته ارسلي منديلي و منديل الأزرق لاف دونك حامد يا سافام لاف مو مشوار بلو إذ فري ليس صحيح قال حامد لزوجتي ارسلي منديلي الأبيض ليس منديل ماذا اسم منديل انظر اللون صحيح لا بون كل كلها لي بون مي سي با منديل كلمه اللي لافي القميص الابيض القميص الابيض اي نعم رابعا يريد الابناء ان يذهبوا للسوق قبل الصلاه دونك لي فيز فيل الي او مارشي افون لا صلاه ازو لا ليس بصحيح يريد الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة نعم بعد الصلاة قبل الصلاة خامسا أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا لحديقة الحيوانات donc les camarades des fils ont voulu aller au zoo c'est vrai لا أراد زملاء الأبناء نعم أن يذهبوا إلى حديقة إلى المتحف نعم c'est au musée qu'ils ont voulu aller نعم سادسا يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته. حامد veut aller à l'hôpital avec sa femme. لا. يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع البنات. نعم. أحسنت. طيب سؤال. ما هي علامة رفع في علامة النصب في الأفعال الخمسة؟ سي كوا لو سين دي نصب دون لي فيرب كي أون دومين متصل؟ واو أو يا ايوه علامات النصب كما يسمى منصوب لا افعال الخمسه حذف النون حذف النون نعم ونلعب النون هات مثلا دون ان اكزامبل اراد الزملاء والابناء نعم ان يذهبوا ايوه ان يذهبوا احسنت اي سي سي نون نيسوا كما تي فا مثلاً النساء يريدنا أن يذهبنا. يذهبنا. إلو النصبة. إلو النصبة. علامة النصبة إلو. المبني. المبني نعم. يشانش با. المبني. أحسنت. طيب. ندخل في التاسع عشر. Et lui, ce texte-là, ce derse-là, se rapporte principalement à un nouveau harf nasb, une nouvelle particule de nasb, qui est l'an. L'an qui est harf nasb ou nafi ou stikbel. C'est-à-dire c'est une particule qui apporte une négation dans le futur. C'est une négation pour le futur. L'affirmation dans le futur, c'est avec sin ou saufa. Sa afa'il, sa adhab, saufa adhab. Là, c'est quand tu affirmes que tu vas faire une chose. Et bien, le contraire, pour dire pour une négation d'une chose dans le futur, c'est avec l'an pour un verbe. Tu dis l'an af'ala, je ne ferai pas. L'an adhaba, je n'irai pas. Ça y est ? Non. Et bien sûr, après ça, les signes du nasb, c'est les mêmes. C'est juste la lettre qui change, et la particule qui change, et le sens qui change. Sinon, les signes du nasb, c'est les mêmes dans le verbe. C'est un fatha ou hasf nun. On enlève le nun. Ça y est. أقرأ مكان عمر وأنت تقرأ مكان أيوب طيب بسم الله أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إليه هناك في عطلة الصيف إنه بلغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا donc عمر dit j'espère en parlant Ayoub j'espère que tu vas m'acheter ce livre en Inde lorsque tu vas y aller lors des vacances d'été car c'est un livre en langue ordia, c'est la langue indienne, quoi. Et je ne l'ai pas trouvé dans les librairies ici. Fadol Ayoub. Ana asifun, inni lan adhaba ila al-hindi fi utlati sif, uridu an adhaba ila Baghdad, li azura khali alladhi ya'malu fi sifarati al-hindi hunaka. Donc Ayoub dit, je suis désolé. أنا آسف آسف c'est désolé navré إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف je n'irai pas طيب للشعير لن أذهب c'est je n'irai pas en Inde pour les vacances d'été je veux aller à Bagdad pour visiter mon oncle maternel celui qui travaille à l'ambassade de l'Inde là-bas نعم عمرو يقول وإخواتك ألا يذهبوا إلى الهند et tes frères ne vont-ils pas en Inde نعم هم أيضا لن يذهبوا هذا العام يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة يحفظوا القرآن الكريم أيوب dit نعم oui eux aussi n'iront pas cette année donc là il dit لن يذهبوا donc là c'est pareil t'as vu يذهبوا les منصوب à cause de l'an et le signe de son نصب c'est qu'on enlève le نون يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ils veulent rester à Al-Medina. Et on a dit Munawwara, c'est Muntaqad. Il faut dire Nabawiya. Wa yabqaw, c'est Baqiya yabqa, c'est-à-dire rester. Et là, pareil, il est Mansoub à cause de N qui est devant. Donc on enlève le nom. Liyahfazou al-Qur'an al-Karim. Pour qu'il mémorise le Qur'an al-Karim. Donc Liyahfazou, c'est quoi qui est rentré dans Liyahfazou ? Li. Lam ta'lil. Donc le fil qui vient derrière, il est Mansoub par N Munmara, si tu te rappelles. Et non pas par Lam ta'lil. Il est mansoum, et le signe de son nom, c'est qu'on enlève le nom. Am yakoul, wa akhawa atouk, et tes sœurs. Hunna aydan, lan yadhabna ila l'hindi fi hadi l'utla, yuridna an yadhabna ila makkata, awalan, liya'tamirina, wa yibqayna hunaka shaharan inda khalatina, thumma sayadhabna ila riyad, لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. Donc il dit, هنا أيضا لن يذهبنا للهند في هذه العطلة. Donc il dit, elles également n'iront pas en Inde ces vacances-là. Donc لن يذهبنا, pareil, لن il est rentré dans يذهبنا. Et on a dit quoi lorsque le fil y a une miswa, c'est même ni. Donc il n'y a rien qui apparaît. يريدنا أن يذهبنا إلى مكة أولا ليحتمرنا ويبقينا هناك شهرا عند خالتنا. Donc elles veulent aller à Mekka, premièrement. L'Iyartamirna, c'est Iyartamara, Iyartamiru, c'est faire la Umrah. C'est vrai qu'il dit faire la Umrah. Iyartkaina est resté, elles veulent rester là-bas, un mois, chez notre tante maternelle. ثم سيذهبنا إلى رياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصاريف هناك. Donc il dit ensuite, elles vont aller à Riyad pour visiter notre oncle paternel, celui qui travaille là-bas dans l'un des bureaux de change. عم يقول أتعرف أحد من طلاب الهنود يذهب للهند في هذه العطلة؟ سمعت أن طالبا هندي اسمه خالد سيذهب للهند قريبا. Donc il dit, عم connais-tu un des Toulab, l'un des étudiants d'Inde? Et le Hunud, c'est le djem de Hindi. Le Hunud, c'est le djem. L'un des étudiants indiens qui va aller en Inde, ces vacances-là, j'ai entendu que l'un des étudiants indiens, qui s'appelle Khalid, ça va aller en Inde prochainement. Il dit oui, je le connais. Il va y aller la semaine prochaine. Cependant, il ne reviendra pas. Len yarji'a, tu vois, c'est encore harf an-nas wa istiqbal, il ne reviendra pas. Am yaqul wa lima, et pourquoi? لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفر؟ Il dit لأنه مريض car il est malade. سيبقى في الهند للعلاج. Il va rester en Inde pour se soigner, pour prendre des soins. أتعرف جعفر؟ Connais-tu جعفر؟ عم يقول نعم أعرفه لكنه من باكستان. Il dit oui je le connais cependant il est du Pakistan. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. Donc il dit يمكنه il lui est possible أن يشتري هذا الكتاب من باكستان من باكستان. Il lui est possible d'acheter ce livre au Pakistan. فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. Car les livres en langue ordia, en langue indienne, sont présents en Inde et au Pakistan. عم يقول أشكرك يا أيوب جزاك الله خيرا سأذهب إليه الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il dit je te remercie أشكرك شكرا يشكرو c'est remercier. Je te remercie أيوب quelle est ta récompense? Je vais aller vers lui ou je vais aller le voir on dirait comme ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام في أمان الله. نعم. Et là il y a normalement le redire dire. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Ayoub? Il aurait dû dire wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah min. Ah, il y a dans la protection d'Allah ou. Est-ce que là, c'est en salam ou tu le rends pareil ou tu le rends plus que lui? Comme il faut être à la fille sur la tennis. Wa alaykoum assalam. Pas même. Donc, les questions 1 et 2, Inch'Allah. Seront pour demain. L'exercice. Les questions du 1 et celles du 2 seront pour demain. Hein? Celle-ci? Ah ouais, et celle d'en dessous. Les deux, les deux exercices en fait, c'est pas les deux questions. Ouais, non, les questions des Tayeb. Donc là, comme je te l'ai dit, ce ders, il est avec l'en. Tayeb, l'en, qui est harf, nazb, wanafi, wastikbel. Qui est une particule de négation, qui est dans, parmi le nasb, et qui est pour le futur. Tayeb, qui apporte une négation pour le futur. Donc par exemple, tu dis je ne vais pas faire ça, len afaela hada. Et le fil qui vient derrière, le verbe qui vient derrière len, il est mansoub. Et on a déjà appris les signes de nasb. Donc il dit, salisan, adib an asilatil atiya bin nafi mustamilan len. Donc répond aux questions suivantes, Tayeb, par une négation en utilisant len. الأول أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف؟ vas-tu aller dans ton pays lors des vacances d'été؟ لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم. Donc je n'irai pas à mon pays lors des vacances d'été. ثانياً أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ est-ce que vous allez aller au terrain de jeu cet après-midi ou les frères؟ لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. نعم. Nous n'irons pas au terrain de jeu cet après-midi. Ayadhabu zumala uka il muthafi adan ya Ali. Est-ce que tes camarades vont aller au musée demain au Ali? Lan yadhabu zumala'i ila al-muthaf adan. رابعا تلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان allez-vous jouer ou jouez-vous au football cet après-midi ou les frères لن نلعب كرة القدم هذا المساء نعم nous ne jouerons pas au football cet après-midi خامسا يرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ est-ce que le directeur revient de جدة demain au professeur لن يرجع المدير من جدة غدا نعم il ne reviendra pas de جدة demain رابعا donc ça c'est compris là il dit تأمل أدوات النفي الآتية donc il dit médite sur les outils c'est un peu c'est pas à la base on dit أدوات outils mais là dans le contexte de littéraire là on peut pas dire outils on va dire les formules de négation vous voyez qui sont présentes. Awelen, il te dit Adhabu il est souki ams. Oh, Zahabtu afon il est souki ams. J'ai été au marché hier. Donc, ça, c'est au mardi. Donc, comment on fait une négation au mardi? Ma Zahabtu il est souki ams. Je n'ai pas été au souk hier. Alors, on met ma. Ensuite, il dit Adhabu il est souki kulle yomin. Donc, il dit je vais au marché tous les jours. Là, c'est Moudaralia. Il dit quoi? La Adhabu il est souki kulle yomin. Je ne vais pas au souk tous les jours. On a dit aussi qu'on peut employer ma, Moudaralia. Et tu connais la différence entre le ma et la ma afhal ou la afhal Non. Là, c'est continuel et ma, c'est occasionnel. Non. Et là, le futur, ça adhabu le souk iraden. Je vais aller au marché demain. Donc la négation, c'est len adhaba et le souk iraden. Je n'irai pas au souk demain. Donc tu emploies len. Et contrairement à ce que l'on entend souvent ici, qu'est-ce qu'on entend ici souvent? Comment les gens ils font une négation du futur ici? T'entends pas comment ils parlent les gens? Non. Ils vont dire ma sa afael. Ils vont peut-être ma nafi, après ils vont peut-être ça. Et ça, c'est pas correct. Ma sa afael. Aïe, ouais. Il ne va pas dire l'an afaela. Il va dire ma sa afaelu. Je n'ai pas remarqué. Ah bon? Mmh. Yes, subhanallah. Ils disent, bah, ouvre bien tes oreilles, tu vas entendre des sous ça. Tu vas rarement entendre quelqu'un dire l'an. Avoir quelqu'un qui fait attention, qui pense hier. Mmh. Ils nous disent tous ma sa afael. Masta femme, tu vas pas comprendre. Masta dhab, tu vas pas aller. Tu vois, et ça, c'est faux. C'est pas correct d'employer. Les Arabes, ils parlaient pas comme ça. Donc, toi, si tu veux faire une négation au futur, tu emploies l'en. Taïeb. Nam. Taïeb. Il dit Khamisan, ikrol amsilatel atiya. Lis les exemples suivants. Faddal. L'en adhaba. إلى قريتي في عطلة الصيف في عطلة الصيف هذا العام. نعم. Donc il dit je n'irai pas dans mon village dans les vacances d'été cette année. إني متعب جدا فلن أخرج من البيت اليوم. Je suis très fatigué. متعب c'est fatigué. C'est-à-dire je suis très fatigué donc je ne sortirai pas de la maison aujourd'hui. Salifan. لن أترك الصلاة أبدا. Il dit je ne laisserai pas la salat jamais. Donc là, quand tu mets Abaden après une négation, on a dit que ça veut dire quoi? Abaden, ça veut dire jamais. Mais si tu le mets après une affirmation, ça veut dire quoi? Le contraire, toujours. Par exemple, si tu dis, ça au sol, Abaden, je ferai la salade toujours. Et l'en, à tout le cas, salade, Abaden, je ne laisserai jamais la salade. Vous voyez? Nam. Rabian. قال المدرس لن أسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. Il dit je ne vous permettrai plus de rentrer après le début du cours dans le futur. لن أحلق لحيتي أبدا. Je ne raserai pas ma barbe jamais. Et ça pareil c'est pas trop appliqué là-bas. لن يرجع أبي من مكة قبل رمضان. Il dit mon père ne reviendra pas de Mecca avant Ramadan. Nous ne boirons pas d'alcool jamais. Nous ne boirons jamais d'alcool plutôt. Inch'Allah. Ça m'a dit Inch'Allah derrière chaque phrase. Je vous dis Inch'Allah. Il y en a une tofique là, si elle arrive, tu vas boire. Faminan. قال اليهود لموسى عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد كما جاء في سورة البقرة. Donc, les Juifs disent à Moussa, alayhi salam, plutôt les Banu Israël, les fils d'Israël, au Moussa, dans le sens relatif et rapproché, au Moussa, nous ne passerons pas sur une seule nourriture, comme cela est venu dans Sourate Baqara. Ta'asian. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man labisa al-harira fi dunya, falan yalbassahu fi l'akhira. Rawahu al-Bukhari. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte de la soie dans cette dunya, il n'en portera pas dans l'autre monde, dans l'akhira, apporté par le Bukhari. Naam. Et là aussi, tu vois, l'âne, c'est l'une des lettres par lesquelles, c'est l'un des harfs par lesquels les mutadiaïs sont rentrés. Taïeb, pour faire croire qu'en fait, l'âne yani yufidul l'âne l'istimra. C'est jamais, quoi, en fait. Tu vois, quand tu dis l'âne afalada, si je ne ferais pas ça, tu vois, mais jamais. Par exemple, eux ils disent que quoi? Tu ne verras pas Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la Qiyamah. Ça sous-entendrait bad. Pour eux, ils veulent faire croire ça. Tu vois? Comme un fikuli ta'ala, l'antarani. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, tu ne me verras pas. Tu vois? Ils ont voulu faire croire qu'on ne verra jamais Allah, même dans l'autre monde. Tu vois? Et en fait, l'antarani, c'est tu ne verras pas dans son bas monde. Hamt? Mais il y a des hadiths qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra, voyez, après la mort. Deux fois. Deux fois, on le verra. Enfin, on le verra. Quand je dis on, je parle des mu'min, tu vois. Inch'Allah, kanakuna minhum. Et Allah sera vu deux fois par les croyants, yom al-qiyam. Et d'ailleurs, c'est la plus grande chose qu'Allah puisse accorder à son serviteur comme récompense, c'est sa vision. Il le voit. Nasallallahu yajala minhum. Taïeb. Al-Sadisan, il dit Atril l'en al-afal atiya wazbit awakhilaha. Donc, rentre l'en dans les verbes suivants et. Toi, tu mets la phrase, la fin qui correspond, avec les harakat. Tayyib, yakhruju. Len yakhruja. Nam. Taktubina. Len taktubi. Nam, mansoub, on enlève le nun. Yashrabuna. Len yashrabu. Nam, ils ne boiront pas, on enlève le nun, pareil. Yarsilna. Elle lave. Len yarsilna. Nam, les bébés, donc, ils ne changent pas. Atroulou. Len atroula. Nam. Taftahna, vous ouvrez, ça veut dire en fait c'est vous ouvrez vous les femmes. Len taftahna. Non, comme il y a une niswa, il est bemni, donc on ne change pas la fin. Ta'koulina, tu manges à une femme. Len ta'kouli. Non, on enlève le nun. Tajlis. Len tajlisa. Non. Arsène. Tajib, kelimat al-jadida. Il y a asif qui veut dire quoi? Désolé. Et ben, asif, je suis désolé, je suis navré. Hindi yun, jam hunud. Hindi, c'est un indien. Un indien des Indes. Et hunud, c'est le jam, c'est le pluriel. Mut'abun, c'est être fatigué. Al-akhira, ma'louf. C'est l'axe de la dunya, c'est l'au-delà, après la mort. Ahadun, ça veut dire un. Tu vois, ça dépend de la phrase. Si tu dis Madia Ahad, c'est personne n'est venu. Tu vois, c'est un truc indéfini en fait, pour une personne. Ça dépend de la phrase. Ou si je te dis Ara'aita Ahadan, est-ce que tu as vu quelqu'un? Sabara Yasbiru, ça c'est patienter. Omra, c'est la Omra, Ma'alouf. Ce qu'ils appellent le petit pèlerinage d'après eux. Sifaratun, ça c'est l'ambassade. Taïb, Sifara, c'est l'ambassade. Et l'ambassadeur? C'est Safir, on dit comme ça. Khamrun, Jam, Khumur. Kham, c'est l'alcool. Jam, c'est Khumur. L'alcool, c'est un mot féminin en fait en arabe. Taïeb. C'est un mot féminin en arabe. Harirun, c'est la soie. Harir, c'est la soie. Mustakbarun, c'est le futur. Abadan, comme je l'ai dit, ça dépend de la phrase. C'est une phrase négative, ça veut dire jamais. Et c'est une phrase affirmative, ça veut dire toujours. Talaka yatruku, ça c'est laisser. Atruku hadha, laisse ça. Vous voyez, laisser ou délaisser. Par exemple, celui qui fait la salat, comme on l'appelle, tariku salat. Vous voyez, ça vient de talaka, c'est l'ism fa'il, ala wuz fa'il, comme ça va venir dans le kitab, celui qui délaisse sa salat. Amun jam a'wam, ça veut dire sana. C'est une année. Am, c'est une, là ça veut dire une année. Mawjoud, c'est une chose qui est présente. Vous voyez, c'est être présent. Ad-dunya, c'est marlou, c'est ce bas monde. Bad'un, c'est le début, commencement. Labissa, yalbassou. Ça, c'est revêtir, habiller, s'habiller. Je porte le kamis. Yartamara, yartamiro. Ça, ça veut dire, ça, c'est un verbe propre pour dire faire la umra. Vous voyez ? Là, tu dis pas ça azab afal umra. Nous, en français, on dit comme ça, je fais un umra. Mais en arabe, tu dis ça artamiro. Vous voyez ? Ça artamiro. Pour dire, je fais un umra. Comme le hajj. Comment tu dis ? Je fais le hajj. Ça ahudju. Tu dis pas ça afal le hajj. Tu peux dire ça agdi ou ça ouadji le hajj. Mais ça afal le hajj. C'est une phrase française. C'est une allusion. Ah voilà, tu dis pas ça afal le wudu. Tu dis ça atawadda'u. Naam. Ahsant. Tamam. Nous voici le fil d'ers. Le 20, inshallah. Et lui, ce ders, le 20e, la 20e leçon, elle se rapporte à quoi ? Au musanna, le duel. Vous voyez, le duel, ce qui prouve deux choses. Comment on fait le duel d'un mot ? Par exemple, rajoul, comment tu veux dire deux hommes ? Rajoulani. Naam, rajoulani. On rajoute un alif et un nun avec une kasra. La tambih, une chose qui n'est pas encore venue jusqu'à présent. Rajoulani, par exemple, tu dis Ja'a Rajoulani. C'est-à-dire deux hommes sont venus. Rajoulani, là, il est fa'il. Et le fa'il, c'est quoi son i'rab ? Il est marfou. Il est marfou. Là, il n'y a pas de dhamma. Ça veut dire que quoi ? Son signe du raf, c'est un autre que la dhamma. Et dans le musanna, le signe de la dhamma, c'est quoi ? C'est le alif. Non, c'est le alif. Ça, c'est parmi les choses qui font exception à la règle. Remplaçant du. Ah ouais, remplaçant de la dhamma. Nous, on a pris quoi dans l'off ? On a pris quoi à la dhamma ? Ja'a rajulun. On a pris le waw dans les asma al-khamsa. Ja'a bouka. Vous voyez ? Maintenant, parmi le troisième signe du raf, il y a le alif. Et ça, c'est quand ? Dans le musanna. Vous voyez ? Dans le musanna, tu dis par exemple Ja'a rajulani. Ja'a timra'atani. Vous voyez ? Hadha kitabani. Indi baytani. Ainsi de suite. On a aussi pris le rof dans le verbe, et dans le verbe, c'est aussi une dhamma. Donc là, on va t'apprendre à quoi ? Apprendre le rof du musanna, son nasb et son jar. Comment il est mansoub ? Comment il est majrour ? C'est simple. Il est marfour comment ? Avec le alif. Ja'a rajulani. Marfour. Et le signe de son rof, c'est le alif. Kharamat rof'i, el alif. Comment est-ce qu'il va être mansoub ? Et bien, ça va être avec un ya et une fatha devant le ya. Tu vas dire par exemple, ra'aytu, j'ai vu, rajulaini, j'ai vu deux hommes. Donc là, tu ne vas pas dire ra'aytu rajulani, c'est khata. Tu vas dire ra'aytu rajulaini. Et là, le ya de rajulain, c'est lui le signe du nasb. Aramat nasbi, al ya. Et ce ya, on met une fatha devant. Tu dis rajulaini. Rajulaini. Et comment les majrour ? Pareil que le nasb. Avec un ya. Tu dis, par exemple, Dakhaltu fi beiti rajulaini. La rajulaini va être mudaf ilayhi de beit. Tayeb, je suis rentré dans la maison de deux hommes. Donc là, rajulaini, il est majrour. Tayeb, le signe de son jar, c'est quoi ? C'est le ya. Pareil. Le nasb et le jar, ils sont pareils dans le mulsanna. Tayeb, c'est avec un ya. Avec une fatha devant le ya. Rajulaini, kitabaini, kalamaini, beitaini, ainsi de suite. Donc là maintenant, Inch'Allah, on va appliquer ça avec le ders 20. Fana sakra mekan al-ab wa anta Bashir wa Omar wa Muawiya. Kuluma ada al-ab. Tayeb, nabda. Kam suratan hafista ya Bashir. Combien de sourates as-tu mémorisé au Bashir? Hafistu. Lahza. Kam suratan? Suratan. Quel est mansoub? Ahsant, c'est un tamiz après Kam. Tayeb, faddal. Hafistu suratan wahidatan. Naam, donc il dit j'ai appris une seule sourate. Et comme je l'ai dit, enfin comme on a appris dans les règles du Adad, tu dis pas hafistu wahidatan surah. Le wahid il vient en général, quand on prend le mot wahid, ou il vient tout seul, ou il vient en art. Par exemple, nous, dans notre langue, on va dire quoi ? Comment tu vas dire un homme est venu, tu vas pas dire Dia Wahid Rajul. Là, tu dis Dia Rajul Wahid. Le Wahid il se place après en art. Elle a bien cool. وكم سورة حفظتي أو حفظت يا عمر؟ كم سورة أنت ميموريزي أو عمر؟ أنا حفظت سورتين. أيوة. Et dis-moi, j'ai appris deux sourates. Donc regarde, là il a dit Hafistu Surataini. Donc là c'est le Moussanna. Et les Mansoub. Pourquoi les Mansoub là? C'est à quoi là? Les Mansoub. Aïwa, Imada, c'est quoi son Irlob? Son Irlob. Mafulumbi. Mafulumbi, Nam. Tu vois? Donc normalement, l'autre Malfou, Surataini. Là les Mansoub, donc tu dis Surataini. Donc j'ai mémorisé deux sourates. Toi, Dol Ikra Mouawiya. Ya Abati. جاء اليوم مدرسان جديدان احدهما للفقه والاخر للحديث. Donc on avait dit ya abati, oh mon cher père, comme on a dit abati, c'est une formule affectueuse pour appeler son père. Tu peux dire ya abi, ya abata, ya aba, ya abati. Il dit جاء اليوم مدرسان جديدان. Donc il dit aujourd'hui sont venus deux nouveaux enseignants. Donc regarde, Moudarissani, là il est marfoua. Pourquoi? Il est quoi dans la phrase? Il est fa'il, nam. Et Jadidani, le na'at. Ahaduhuma lil fiqh. Donc il dit l'un des deux est pour le fiqh. Vous voyez la jurisprudence. Wal akhar lil hadith. Et l'autre pour le hadith, la science du hadith. Nam. Bachir, ndak? Bachir. Ana l'ab, fakat. Ya abati. قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. نعم. Donc il dit, ô cher père, j'ai lu aujourd'hui deux paroles, deux nouvelles paroles dans ce livre. Ou peut-être là il veut dire mot. Ah ouais, mot. Parce qu'en fait, kalima, on peut l'employer pour un mot tout seul. On peut l'employer aussi pour une muhadara entière. Un truc entier, tu vois. Donc il dit, j'ai lu aujourd'hui deux nouveaux mots dans ce livre. Elle a bien cool. Ma huma, et que sont-ils ces deux mots? Et huma, c'est un dhamir munfasil, nouveau musanna. Nous, c'est que ce n'est pas dans notre langue, donc on va dire, et que sont-ils, c'est-à-dire ces deux mots? Huma al-mushtu wal-mikhaddatu. Donc il dit, ces deux mots sont al-musht wal-mikhadda. Donc le musht, c'est le peigne. Al-mikhadda, j'ai oublié. C'est quoi le mikhadda? Coussin. C'est wissada? Non, c'est wissada. Hum? Attends, regarde dans le dictionnaire. Si, je crois que c'est coussin. On vérifie. Toyeb. Donc c'est bien coussin. Je sais qu'elle a rien. Elle a bien cool. Arafta, c'est Arifta. أعرفت معناهما؟ Connais-tu leur sens؟ عرف يعرف؟ سو مضارع كلمة فتحة من كثرة. نعم، سألت المدرس فشرح لي معناهما. Il dit oui, j'ai demandé, j'ai interrogé les professeurs et m'expliquer leur sens. الأبي يقول أنا الآن أذهب للسوق. Je vais maintenant au marché. أتريدون شيئا؟ Voulez-vous quelque chose؟ أريد دفترا. Donc Omar a dit je veux un cahier. Muawiya yakul tafaddal. نعم. عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. نعم. Donc il dit j'ai deux cahiers et je voudrais deux autres cahiers. Donc là عندي دفتران. دفتران il est marfou. C'est quoi son il est quoi là dans la phrase? دفتران. دفتران. عندي دفتران. عندي دفتران. C'est à quoi? مرفوع متدا مؤخر صح هو عندي خبر مقدم نعم اسلم سي دفتراني عندي هكذا نعم واريد دفترين اخرين دفترين ناس مفعول به دونك لي منصوب وعلامه نصب به الياء دونك هنا بالياء كم سين دو نصب اي اخرين سي نعت دونك لو سوي دون الاعراب بشير ايش يقول بشير نعم عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. Donc Bachir dit j'ai deux petits classeurs, je voudrais deux grands classeurs. Donc là dans le premier ملفاني il est marfou avec le alif et أريد ملفين là il est mansoub avec le ya. الا بيقول من من اين لك هذا الكلام الجميل ذو لونين يا بشير. Donc il dit d'où as-tu trouvé, on va dire comme ça, trouvé, même si le verbe il n'est pas, mais la phrase ça dirait comme ça. Ou d'où te viens-tu ce beau stylo qui a deux couleurs au Bachir. Donc là, zou, nous on ne peut pas le traduire zou. Donc on va dire ce stylo qui a deux couleurs. Possédant deux couleurs. Et le onein là, il est mudaf ilayhi, donc il est majrour. Et le signe de son jar, c'est le ya. Naam, Bachir. Naam. اشتريته. نعم دي جو لي اشتي. الاب يقول بكم اشتريته؟ كم يا لتو اشتي؟ دونك كنت تبغى اشتي ان تو تدي بي حرف جار وكم ابري دايا. بكم هذا سي كم يا سا ان فيت. نعم. بشير اش يقول؟ اشتريته بريالين. نعم دونك دي جو لي اشتي بور دو ريال. لا ريالين لي مجرور ا كوز دو بي اي علامه جره الياء. طيب تمارين ممكن نعمل فيها ديريكت لا سون سامبل لا كيسيون دو تيكست يدي اجي على الاسئله الاتيه ريبون كيسيون سويفونت كم سوره حفظ بشير دونك بشير ميموزيك من سوات حفظ بشير سوره واحده نعم ثانيا كم سوره حفظ عمر دونك كوبيان دو سوات ا ميموزي عمر حفظ عمر سورتين نعم عمر لم يوجد دو سورات بكم اشترى بشير القلم pour combien بشير a-t-il acheté le stylo اشترى بشير القلم بريالين نعم طيب donc il dit maintenant il va expliquer ce qu'on a dit précédemment يعني les signes d'Irab dans le مثنى il dit تعمل ما يلي mais dites ce qui suit. Donc, il n'y a que les trois catégories pour le ism, qui sont le marfou, le minarof, le mansoub du nord, et le majuro du jar. Et l'ouljaz. Hmm? Et l'ouljaz. Je suis pas en train de suivre ce mot. Pour l'acheter. Il dit, il a donné les trois catégories pour le ism. Hmm. Le ism moussanna. Vous voyez, el marfou, qui vient du rof, le mansoub, qui vient du nosb, et le majuro, qui vient du jar. Et l'ouljaz. Il a oublié. Al-Jazm. Non, il est. Il est dédié que pour Moudaria. Hein? Il est que pour quoi? Il est dédié que pour Moudaria. Ça c'est le mardi ou c'est. J'ai Al-Mudarrisoura et tout. Ben non, ça c'est le mardi ça. Donc t'as pas Meyez. T'as pas distingué. Comment ça je suis pas distingué? Là il veut quoi? Il veut les Asma. Il veut pas les Afal. Et il n'y a pas de jazz dans les Afal. Ah, par rapport, tu parles des Asma. Non. Là, c'est par rapport à Asma. Ism Moussanna. Là, il veut que tu comprennes Ism Moussanna. Non, non, non, il n'y a pas de. Ism Moufrad Avolen pour l'exemple, et ensuite, mais on j'avais pas tort. Pour le verbe, il était. C'est que pour Moudaria. Al-Jazm. L'Al-Jazm, il peut aussi rentrer dans le. Il peut être Mahal. Mahal Jazm. Bah, donne-moi l'exemple. Injita Jito. Si tu viens, je viens. صحيح نجيتا اللي مبني في محل جزم باين تمام نعم طيب ونرجع للموضوع يدي مثلا ان اكزامبل دو مرفوع جاء المدرس دونك المدرس طيب اللي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه دونك سي ان فاعل سي ان سوجي اللي مرفوع لو سين دو سون رفع سي كوا الضمه اك المثنى كما تو دي جاء المدرسان Donc là, pareil, il est marfo, il est fa'il, ou aramatu raf'i, l'alif. Donc là, il est marfo, et le signe de son raf, c'est le alif. Maintenant, le mansoub, ra'aytu mudarrisa, j'ai vu le professeur. Donc là, le mudarrisa, il est quoi? Maful bihi, mansoub, ou aramatu nasbihi, al-fatha. Donc là, c'est maful bihi, il est mansoub, et le signe de son nasb, c'est la fatha. Donc avec le moussanna, tu dis quoi? Raïtu al-mudarrisaini. J'ai vu les deux enseignants. Donc là, il est quoi maful bihi pareil? Mansoub wa aramatu nasbihi al-ya. C'est-à-dire le signe de son nasb, c'est le ya. Et le majrour, avec le jar, zahabtu il est le mudarrisi. J'ai été vers le professeur. C'est-à-dire, donc mudarris, c'est le majrour, aramatu jarrihi al-kasra. le signe de son jar, c'est la kasra. Et pour le musanna, tu dis quoi? Zahabtu, les mudarrisaini. J'ai été vers les deux professeurs. Et le signe de son jar, c'est quoi? Al-ya. D'ailleurs, là c'est ma forme. Il dit yajib al-asilati al-atiya mustamilan al-musanna. Donc réponds question suivante en utilisant le musanna. Tfaddal, je suis l'awel. Kam akhannak? Combien as-tu de frères? Li akhani. C'est quoi le musanna de akh? T'es tombé dedans. Akhun. Musanna. Le musanna. De akh. Akhawani. Akhawani. Attention. Et ab, c'est pareil. Abawani. Tu dis pas akhani ou abani. Tu dis akhawani ou abawani. Nam. Donc kam akhannak, tu dis. Li akhawani. Nam, li akhawani. Et l'akhawani, les mansoum, ou les majrour, ou les marfou. Li akhawani. Il est quoi là? Il est marfou. Non, c'est un moutada mouakhar. Ahsante. Thanyan, kam kitaben indaka? Andi kitabani. Non, donc l'appareil kitabani, les marfou, il est moutada mouakhar. Thalithan, kam taliban jadidan ja al-yum? Combien de nouveaux étudiants sont venus aujourd'hui? Eux te le mettent au singulier, mais en français, on ne peut pas le faire. On, va le mettre au, on est obligé de le mettre au pluriel. J'ai al-yoma talibani jadidani. Non, donc aujourd'hui, sont venus deux nouveaux étudiants. Et là, taliban, il est marfou. Pourquoi? Parce qu'il est fa'il. Rabi'an, kam darsan baqiyya fil kitab. Combien reste-t-il de cours dans le livre? Baqiyya fil kitab darsani. Non, il reste dans le livre deux dars. Donc là, darsan, il est fa'il de baqiyya. C'est le sujet de baqiyya, donc il est marfou. Khamisan, kam taliban kharaja min al-fasl. Combien d'étudiants sont sortis de la classe? Kharaja min al-fasl talibani. Non, donc là, talibani, sorti de la classe 2 étudiants. Et taliban, il est quoi? Il est marfou parce qu'il est fa'il de kharaja. Sadisan, kam rajulan mata fil hadith. Donc combien d'hommes sont morts dans l'accident? Hadith, c'est accident. Mata fil hadithi. Rajulani. Non, donc deux hommes sont morts dans l'accident. Et Rajulani, il est marfour parce qu'il est fa'il de Ma'ata. Tamam. Rabi'an. Adib rasil al-atiyya mustamilan al-musanna. Donc pareil, tu dois répondre aux questions suivantes avec le musanna. Sauf que là, ça ne va plus être marfour. Attention. Tayyib. Awalan. Kam lughatan ta'arifu. Combien de langues connais-tu? A'arifu lughataini. Non, mais je connais deux langues. Là, les mansoub, ma folbi. Thaniyan. Kam suratan hafista ou hafisti ya Maryamu. Combien de surat as-tu mémorisé au Maryam? Hafistu surataini. Non, donc là aussi les mansoub, ma folbi. J'ai appris deux surates. Thalithan. Kam risalatan katabta ya Ahmedu. Combien de lettres as-tu écrit au Ahmed? Katabtu risalataini. Non, mais j'ai écrit deux lettres. Ma folbi, pareil. Thalithan. Ou rabi'an. Kam hayyatan katalta. Yammi. Donc combien de serpents as-tu tué au mon oncle? Qataltu hayyataini. Non, j'ai tué deux serpents. Ma foi lui, pareil. Khamisan, kam daftara nishtaraita ya akhi. Combien de cahiers as-tu acheté au mon frère? Ishtaraitu daftaraini. Non, j'ai acheté deux cahiers. Ma foi lui. Sadisan, kam su'alan sa'alaka al-mudarrisu. Combien de questions t'a posé le professeur? سألني المدرس سؤالين. نعم، professeur m'a posé deux questions. سابعا، كم طائرة رأيت في المطار؟ Combien d'avions as-tu vu dans l'aéroport؟ رأيت في المطار طائرتين. نعم، j'ai vu à l'aéroport deux avions. ما فول به المنصوب. ثامنا، كم منديلا غسلت أختك؟ Combien de mouchoirs ta sœur a-t-elle lavé؟ غسلت أختي من ديلين. نعم، ma sœur a lavé deux mouchoirs. تاسعا، كم مشتن تريد؟ Combien de peignes veux-tu؟ أريد مشتين. Je veux deux peignes. Je crois que tu peux dire aussi مشت avec une كثرة. عاشرا، كم مخدتان على سريرك؟ Combien d'oreillers sur ton lit؟ على سريري مخدتين. مخدتان. أيوة. مبتدا مؤخر. طيب مفهوم هذا عندك. خامسا. أجيب عن أسئلة الآتية مستعملا المثنى. Donc là pareil. Tu dois répondre aux questions suivantes en employant le duel, le مثنى. أولا. بكم riyalan ishtarayta ada hadi al majalla ya amina aw ishtarata fon ishtarayta ishtarayti ishtarayti bikam riyalan ishtarayti hadi al majallata ya aminatu. Donc pour combien de riyal as-tu acheté ce magazine au Amina? اشتريت هذه المجلة بريالين. نعم. Donc là, il veut quoi? Il veut jar maintenant. Donc j'ai acheté ce magazine pour 2 riyals. Là, il est majrour par bi. Donc pareil, son alamat jarri, el ya. Le signe de son jar, c'est le ya. Thaniyan, bikam duraran اشتريتم هذه او هذه الازرار يا اخوان. اشترينا هذه الازرار بدولارين. Enfin, on n'a pas traduit. Pour combien de dollars avez-vous acheté ces boutons, oh mes frères? C'est Jam de Zir. Azrar, c'est Jam de Zir, ces boutons. Boutons de vêtements. Nam. Nous avons acheté ces boutons pour 2 dollars. Falifan. Bikem Rubiyaten Shtaraytunna Hazal Mushtu Ya Akhawati. Donc, pour combien de riels avez-vous acheté ce peigne, oh mes sœurs? اشترينا هذا المشط بروبيتين. نعم، nous avons acheté ce مشط pour 2 روبي. رابعا، بكم جنيها اشتريت او اشتريتي هذه المرآة يا امي. Donc pour combien de جني as-tu acheté ce miroir au امي ma mère. جني c'est la monnaie quoi? C'est la monnaie anglaise à la base. Aussi en Égypte, elle employait le pound, comme ils disent. Sauf qu'ils disent Guinée. Mm. Voilà. Fémus, ils vont dire Guinée, ils ne vont pas dire Junaï. Mm. Non, donc j'ai acheté ce miroir pour 2 Junaï. Khamisan, Bikem, Loraten, Katapta, El Onwana, Ala Zorf, Ya Ali. Donc, par combien de langues as-tu écrit l'adresse sur l'enveloppe au Ali. Nam, donc je l'ai écrit par deux langues. En deux langues. Sadisan, min tiem baben kharajatullabu min el kulliya. Par combien de portes ou de combien de portes sont sortis les élèves de la section de la faculté? Nam, kharajatullabu min el kulliyati. Nam. Les élèves sortis de la faculté de par deux portes. Ou depuis deux portes. Sabian, il est kem, c'est d'Aliyaten Zahabta Ya Hamidou. As-tu à combien de pharmacies as-tu été au Hamid? Nam, j'ai été à deux pharmacies. Faminan, Fikem, Safi Hatan Karata Adel Khabar. Donc combien de journaux as-tu lu cette information? Non, j'ai lu cette information dans deux journaux. Bikem Jamiaten Darasta. Dans combien d'universités as-tu étudié? Darastu bi Jamiaten. Non, j'ai étudié dans deux universités. Kem Jamiaten fi Beladikum. Combien d'universités dans votre pays? Fi Beladina Jamiaten. Non. C'est un pays ou quoi? Hein? Ouais. Pour voir si tu es attentif. Comme il a fait dans l'autre exercice, pareil. Il a fait la même chose. Il te dit quoi? Quand tu emploies Bikem, Riyalan, tu peux mettre Riyal, Tamiz, Mansoub. Et tu as le droit aussi de le mettre Majrour. Tu peux dire Bikem, Riyalin. Kila, Huma, Sahih. Tous les deux sont authentiques. Sont corrects. T'as-t-il, tu peux dire Bikem, Riyalin ou Bikem, Riyalan. Si tu dis Riyalan, c'est que tu es Tamiz. Et si tu dis Riyalin, c'est qu'il est majrour à cause du ba, qui est avant le kam. Donc il dit maintenant, Fanni al-Kalimati al-Lati tahta khottun. Donc rend en duel, en musanna, les mots qui sont soulignés. Jumal Oula, Tfaddal. Fi baytina thallajatani. Nam. Lila d'abord en mufrad. Fi baytina thallajatun. Nam. Dans notre maison, il y a un réfrigérateur. Donc après, c'est deux réfrigérateurs. Thanien. Donc hier soir, un cambrioleur est entré dans le magasin. دخل الدكان البارحة للصاني. للصاني نعم أحسنت. ثالثا. رأيت في مكتبة البريد. في المكتبي. مكتبي نعم مكتبي البريد برقية لك. Donc j'ai dit j'ai vu à la poste un télégramme pour toi. نعم رأيت في مكتب البريد برقيتين لك. نعم أحسنت. رابعا. سأشتري مترا من هذا القماش. Je vais acheter un mètre de ce tissu. نعم. سأشتري مترين. نعم. من هذا القماش. نعم. خامسا. ذبح أبي دجاجة. Mon père a égorgé un poulet. ذبح أبي دجاجتين. نعم. سادسا. أشرب كوبا. أشرب. نعم. أشرب. أشرب كوبا من اللبن كل يوم. نعم. Donc je bois un verre de lait tous les jours. نعم. أشرب كوبين. نعم. من اللبن كل يوم. نعم. أحسنت. سابعا. عندي ريال. Il dit j'ai un rial. عندي ريالان. نعم. أريد نعم. ثامنا. سابعا. ثامنا. أريد ريالا. Il dit je veux un rial. أريد ريالين. نعم. تاسعا. اشتريت هذا الزر بريال. نعم j'ai acheté ce bouton pour un rial. اشتريت هذا الزر بريالين. نعم. عاشرا. أعرف لغة. Je connais une langue. أعرف لغتين. نعم. Je connais deux langues. حادي عشر. في بلدنا لغة واحدة. Dans notre pays, il n'y a qu'une langue. في بلدنا لغتان واحدتان. نعم. ثاني عشر. هذا القلم بدولار. Ce stylo est un dollar. هذا القلم بدولارين. نعم. De deux dollars. كتبت رسالتان إلى أبي. J'ai écrit une lettre à mon père. كتبت رسالتين إلى أبي. نعم. Deux lettres. رابع عشر. نعم. يكفيني الآن جنيه. Donc يكفي. Ça vient du verbe كفى يكفي. C'est suffire. Et quand tu dis à quelqu'un يكفي, ça veut dire ça suffit maintenant. Et يكفيني, ça me suffit à moi. Vous voyez. Donc maintenant, genre un جنيه me suffit actuellement. نعم. يكفيني الآن جنيهين. جنيهاني. الفاعل. نعم. طيب. إجعل كل من الكلمات الآتية في جملة. Donc tu dois mettre les mots là qui suivent dans une phrase. كتاباني. Deux livres. Comment tu vas dire? Trouve une phrase. T'invente une phrase peut-être. نعم. كتاباني. عندي كتابان. نعم. ذو لونين. طيب جميلين. J'ai deux livres. جميلين. Toi tu mets juste كتابان. Après c'était النعس que je l'ai acheté. ذو لونين. ذو لونين. جميلين. J'ai deux livres de belle couleur. كتابين maintenant on veut. نعم. اشتريت كتابين. نعم. J'ai acheté deux livres. دولار. Pour un dollar. طالبين. أعرف طالبين من مدرستي. نعم. Je connais deux étudiants de mon école. طالبان. نعم. ذهب طالبان إلى المدرسة. نعم. Deux élèves ont été à l'école. طيب. Il dit تأمل الأمثلة الآتية لي يعني الإكسبرسيون أحدهما والآخر. أحدهما سي لان دي دو إي آخر سي لوتخ. طيب أحد سي مضاف وهما سي مضاف إليه والآخر سي أن أوتخ. باغ إكزومبل يدي لي أخوان أحدهما طبيب والآخر مهندس. دونك يدي جي دو فخير. لان دونتخ أو سادير سي لي دو طيب إي دكتور أو ميدسان إي لوتخ إي إنجينيور. لهذه الحافلة بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج. Donc ce bus ou ce car a deux portes, l'une d'entre elles est pour l'entrée et l'autre pour la sortie. Mais nous, pareillement, comme le genre il change en français, on ne peut pas l'appeler. Salisan, عندي قلمان أحدهما أزرق والآخر أحمر. Donc il dit j'ai deux stylos. L'un des deux est bleu et l'autre est rouge. عندك هذا؟ عندك. رابعا عندي معجماني أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي. Donc il dit j'ai deux dictionnaires. L'un des deux est anglais et l'autre est français. خامسا لنا بيتان أحدهما في المدينة والأخرى وهو الآخر في القرية. Donc il dit j'ai deux maisons. Nous avons deux maisons plutôt. L'une des deux est dans la ville et l'autre est dans le village. سادسا اشتريت قميصين أحدهما لي والآخر لأخي الصغير. Donc il dit j'ai acheté deux camis. L'un des deux est pour moi et l'autre est pour mon frère, mon petit frère. Donc là c'est أحدهما والآخر au masculin. Ça y est, maintenant il va faire quoi au féminin? Je te laisse toi lire et traduire. تفضل. أنا. نعم. لنا بيتان. لا. أنا. تاسعا. نف. نعم. On a pris أحدهما والآخر. Ça c'est masculin. Maintenant on va prendre le féminin. C'est إحداهما والأخرى. تفضل. Là tu lis et tu traduis. Ou tu tentes de traduire si tu n'y arrives pas. Moi je t'aiderai déjà. Normalement tu vas y arriver. لي أختان إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة. نعم. يعني j'ai deux sœurs. Une d'entre elles est professeur et l'autre est le médecin. نعم. ممرضة c'est plutôt être soignante ou infirmière. نعم. عندي سيارتان إحداهما حمراء والأخرى بيضاء. نعم. يعني j'ai deux voitures. Une d'entre elles est rouge et l'autre est blanche. نعم. في قريتنا مدرستان إحداهما متوسطة والأخرى ثانوية. يعني dans mon village il y a deux écoles. Une parmi les deux c'est on va dire quoi متوسطة. C'est le collège ou le lycée, et l'autre, c'est le lycée. C'est le lycée, hein. Le collège, on va dire. Non. Un site, hein. Une, c'est le collège, et l'autre, c'est le lycée. Non. كتبت اليوم رسالتين إحداهما لأبي والأخرى لصديقي. يعني j'ai écrit aujourd'hui deux messages. Hein. Non, deux lettres. Deux lettres. Non. Une pour mon père. L'une des deux. Une des deux pour mon père. Non. Et l'autre pour mon ami. Non. Khamisan. Non. جاءت مدرستان جديدتان إحداهما للسيرة والأخرى للتفسير. يعني il y a deux nouvelles enseignantes qui sont venues. Non. Une d'entre elles est pour la biographie et l'autre est pour l'exégèse. نعم تفسير نعم تفسير طيب مفهوم. Donc il dit المذكر c'est أحد طيب والمؤنث c'est إحدى qui veut dire un ou parmi les choses qui ramènent à un au sens un. طيب عاشرا يقول تأمل أمثلة الآتية. Donc là maintenant il veut quoi? Il veut te faire comprendre avec كلمة ذو من الأسماء الخمسة. Que Zou, il vient tout le temps en Moudof. Donc derrière lui, Moudof, il est. Donc, Majjurur. Il te dit, Awalan, Hazal Kalamu, Zou, Allaunaini, Mufidun Jiddan. Donc, ce stylo de deux couleurs est très profitable. Donc, la Zou, il va être quoi? C'est quoi ce nom là-bas, Zou, là? Moudof, ça, c'est un ajout. C'est quoi son nom là-bas avant, Awalan? Awalan. Il est quoi d'abord, avant d'être Moudof? هذا القلم ذو لون C'est... Il a un waouh. Il a un waouh. C'est-à-dire qu'il est quoi? Marfou. Donc c'est marfou. C'est quoi son arabe? Ah là, toi tu sais qu'il est marfou maintenant. À toi de maintenant distinguer quel mot marfou il peut être. Il y a un verbe là, et un fa'il. Donc il ne peut pas être fa'il. C'est quoi? C'est un khabar? Un khabar. Khabar de hada. Hada c'est mutada. Le kalem badel. Wazou. Khabar. Là, là, fon, il est sifa. Gnat. Le khabar c'est mufidoun. Machawesh là. C'est un nat. C'est-à-dire c'est un nat de kalem. Hada c'est mutada. Kalem c'est badel. Izou c'est nat. Et les moudof, le honnel moudof il est. Et mufid, khabar. Et jiddan, hal. C'est quoi qu'on est venu ça, hal. Amen. Fanyen. Aye kamisin, rassalti ya ummi. Rassaltu le kamis za al jaybein. Jaybein. Donc il dit, quel kamis as-tu lavé ou ma mère? Elle dit, j'ai lavé le kamis qui a deux poches. Taïeb. Donc là, za il est quoi? Ah oui. Là, za il est quoi? Une sifat de kamis. Donc il est mansoub comme lui. Et voilà maintenant nasbihi. Al-alif. Non. Ce qu'on a dit, les asma al-khamsa, lorsqu'ils sont mansoub, c'est quoi avec un alif? Jaybein, c'est deux poches. Thalithan. Al-mudiru fi tilka al-ghulfati zati nafidataini al-maftuhataini. Vous voyez, donc il dit, le directeur est dans cette chambre qui a deux fenêtres ouvertes. Donc zat, vous voyez, c'est le mouannas mufrad de zou. L'imam a dit sayyaratu zatu al-babaini. Avec qui c'est la voiture qui a deux portes. Vous voyez. Khamisan, zalik al-masjidu zou al-minarataini jamilun jiddan. Donc ce mosjid qui a deux minarets est très beau. Eh ben non, c'est pas vrai. Yann al-minara bida. Ça ne peut pas être joli. Sadisan. Ana lau hibu zakar rajul fa'inaw zu wajhain. Il dit, je n'aime pas cet homme car il a deux visages. Vous voyez. Ça c'est quand c'est une tifa mazmouma. Zu wajhain, c'est détestable. Tu ne sais pas qui t'as affaire. Taïeb. Ma fumara. Donc zu, c'est le muzakar mufrad. Et that, c'est le mouanef moufrad. Et vous, quand il est malfour, c'est qu'un waouh. Quand il est mansoub, c'est qu'un alif. Et that, il reste avec une dhamma ou une fatha. Il ne sort pas de l'origine. Taïb, enna khouz kelimat jadida, nouveau mot. Rajulun zou wajhain. Un homme qui a deux visages. Allazi ya'ti kulli taifatin bima yardiha. Ou yardiha. Allazi ya'ti haoula bi wajin wa haoula bi wajin. Donc celui qui a deux visages, qui vient avec deux groupes, avec un visage différent. Il vient de voir toi avec un visage qui te plaît, et il y aura d'autres avec un visage qui leur plaît. Et ça, c'est du nifaq. C'est du nifaq. Mais le nifaq est un amali dans les œuvres. Moucht, djem, amchat, c'est peigne. Mir'a, djem, mir'a, mir'a, c'est quoi? Miroir. Mufidun, quelque chose de profitable. Zabaha yazbahu, ça c'est égorgé. Mikhaddatun, djem, makhaddun. Ça c'est, comme tu me l'as dit, oreiller. Non mais c'est pas makhaddun, c'est makhaddo. Hein? Makhaddo. La wazma fa'il. Il n'y a qu'une dhamma sur le djem. La wazma fa'il, ou anam. Aïe, ou le ma'oum n'asarf. Lissun, djem, lusus. Lys, c'est un voleur, un cambrioleur. Non. Mais quand on dit lous, lous d'arwa, c'est quelqu'un qui soutient l'argent dans la darwa. Voyez. Sira, comme tu as dit, c'est la biographie, le parcours. Quand on dit Sira al-Nabawiyya, c'est la biographie prophétique ou le parcours prophétique. Sharaha yashrahu. Ça, c'est expliquer. Voyez, expliquer une chose. Zirun jam azrar, ça c'est un bouton, comme les boutons des vêtements. Junayhu jam junayhat, ça c'est la monnaie anglaise et égyptienne, c'est le pound. Et tafsir, comme tu dis, c'est l'exégèse, l'interprétation en fait. Quand tu dis ou fassir chez un, c'est j'interprète quelque chose. Et donc pour ça, on a dit, on a pris Moussanna, le duel qui est marfou avec un alif, qui est mansoub et majrour avec un ya et une fatha devant. رجلون تقول رجلان وتقول رجلين وهكذا مفهوم هذا وبهذا انتهينا ونقول الحمد لله رب العالمين